Chapitre 17e, le prix du secret. Après avoir échappé à Jean, Kasuga s'était rué dans les ténèbres. Déjà, il entendait derrière lui le galop de Guillaudou et de Mr. Big lancé à sa poursuite. Le japonais ne fuyait point au hasard. Il conservait la bonne direction, celle de son aéroplane, qu'il avait laissé à peu de distance, le moteur en marche et son mécanicien à son poste. Ses yeux perçants le devinèrent dans l'ombre, et il escalada le siège au moment précis où Guillaudou allait l'atteindre. Se retournant vers ses ennemis, il fit feu sur eux, au jugé, pour les tenir en respect et donner le temps à l'appareil de repartir. Kasuga ne craignait pas l'obscurité, elle n'était pas un obstacle à son vol. En effet, dès que l'aéroplane eut atteint une certaine hauteur, les deux Japonais qui le montaient aperçurent à leur gauche, au-dessous d'eux, trois feux formant un vaste triangle isocèle. C'était un terrain d'atterrissage situé aux abords du croiseur Ohio et que, selon la consigne, le commandant désignait aux aviateurs par des signaux lumineux. En pleine nuit donc, Kasuga et son compagnon purent atterrir sans danger au centre du triangle. Le Japonais se dirigea aussitôt vers le croiseur et se fit conduire auprès du commandant. Froidement, presque cyniquement, Kasuga exposa à l'officier ahuri quelle sorte de service il attendait de lui et le pria de l'aider à organiser le guet-apens qui devait lui livrer Mademoiselle de Glandève. Tout d'abord, le marin, totalement choqué à la pensée qu'on prétendait attenter à la liberté d'une Américaine, avait failli se fâcher rouge et envoyer le singulier amoureux à fond de cale. Mais en présence de l'assurance du Japonais, il eut accepté d'en référer à son chef, un délégué du gouvernement qui se trouvait à bord d'un des bâtiments échoués dans les environs de l'île Nippon. Cette nuit-là, le télégraphe sans fil marcha sans relâche et il apporta aux officiers du croiseur la plus étrange des nouvelles. Kasuga ne s'était pas vanté. L'Amérique faisait de la petite fille de Jim Sandy une victime propitiatoire. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Une loi autorisait Kasuga à passer outre à la résistance de la famille de celle qu'il voulait épouser. Il était prescrit à tous les délégués du gouvernement, ainsi qu'à tout détenteur de l'autorité, d'obtempérer aux vœux du Japonais et de faciliter son mariage. Décrire le désespoir de la malheureuse Susanna, en apprenant le sort qui lui était réservé, peindre la douleur de la marquise, l'indignation de Mrs. Sandy serait chose impossible. En dépit de sa crainte du maître et du châtiment que sa trahison généreuse suspendait sur sa tête, Sada elle-même joignit ses malédictions à celles dont les trois femmes accablèrent le Japonais. Mais que pouvaient les larmes, les injures ou les supplications? Tout ce qu'obtint les pauvres femmes fut de n'être point séparées de Susanna et de la suivre vers l'île japonaise, où Kasuga prétendait l'entraîner sans retard. Il avait appris la présence d'un représentant du gouvernement sur le dernier navire relais. Il décida aussitôt d'en profiter pour faire célébrer officiellement son mariage. De vive force, les quatre femmes furent poussées dans deux automobiles sous la garde de Kasuga et de quelques marins. Et le voyage commença à travers les espaces interminables, coupés de repos échelonnés sur le trajet. Spectacle étrange que ces campements grouillant de vie au milieu des immensités silencieuses qui semblaient des champs de mort. Sur le lit déserté par les eaux, la civilisation avait jeté des poignées d'hommes, de minuscules cercles de vie, infimes par rapport aux solitudes infinies, et ces taches allaient s'étendre, recouvrir l'espace d'où le génie humain avait banni la nappe liquide. Elles s'élargiraient et se rejoindraient, des villes surgiraient, des champs et des forêts couvriraient ce sol conquis. Spectacle étrange. Quel vertige d'orgueil il devait faire naître dans les cervelles humaines. Le 15e jour de ce fantastique voyage, une bande sanglante empourpra l'horizon lointain. Puis ce furent des lueurs d'incendie, d'énormes flammes rouges qui dardaient vers le ciel leur langue de feu. Des tourbillons de fumée noire, grise et rousse, amoncelaient des bataillons de nuages que trouaient à chaque instant des masses sombres projetées en l'air par d'invisibles mortiers. D'incessantes et formidables détonations achevaient de donner l'impression qu'on approchait d'un champ de carnage et de désolation. Mais le front de ce gigantesque combat embrasait des lieux et des lieux. L'œil n'en apercevait pas la fin, pas plus en largeur qu'en profondeur. À mesure que les voyageurs avançaient vers l'incendie, ils découvraient une mer de feu et de fumée, crachant des flammes et des projectiles. Un rivage qui se relevait, soulevé par ces terrifiantes tempêtes, bordaient ses vagues rougeoyantes et sur ses pentes, les spectateurs épouvantés voyaient couler des torrents incandescents qui élevaient devant eux des remparts de fumée. plus près d'eux, assez loin du terrible foyer, mais éclairé par ses fulgurantes lueurs, un vaisseau dressait une silhouette que l'incendie rendait fantastique. C'était le dernier relais avant la côte japonaise, le but du voyage. Sur l'ordre de Kasuga, que l'effrayant spectacle paraissait avoir bouleversé, les deux automobiles se ruèrent vers le navire. Tandis que les marins hissaient à bord les prisonnières du démon jaune, celui-ci escalada l'échelle accrochée au flanc du cuirassé. « Le Japon !» cria-t-il, en se précipitant vers un groupe d'officiers qui, lunettes en main, avaient surveillé l'arrivée des automobiles. Et sa voix était étranglée par une indicible émotion. L'un des officiers tendit le bras dans la direction de la mer de feu. « Il n'y a plus de Japon !» prononça-t-il. Kasuga chancela et poussa un cri rauque. « Plus de Japon !» Les mots terribles n'étaient que trop véridiques et l'explication qui suivit acheva d'atterrer le jaune. Une formidable éruption volcanique, un de ces cataclysmes dont aucune mémoire d'homme n'a gardé le souvenir, avait au lendemain de l'assèchement des océans englouti Nippon, Yezo, Sikok et les milliers d'îles qui formaient jadis l'empire du soleil levant. À leur place, il n'y avait plus qu'un océan de feu, un cratère de dimension invraisemblable qui ne cessait de vomir des laves, des flammes et des tourbillons de fumée. La catastrophe escomptée par Mr. Big s'était donc partiellement produite. L'explosion provoquée par les masses d'eau volatilisées en tombant dans le foyer central avait fait sauter une partie de l'écorce terrestre, précisément aux endroits où de nombreuses cheminées appelaient l'expansion des vapeurs. Situé dans le voisinage immédiat des principales voies ouvertes aux eaux, plus exposé aux conséquences à cause de la nature de son sol, le Japon avait cédé le premier et volé en éclats, ouvrant aux vapeurs et aux laves une vaste bouche qui élargit encore leur effort. Du même coup, il sauva la terre. Par ce cratère géant, la fureur du foyer central pouvait s'épancher et s'apaiser. Le Japon payait la rançon de la conquête. En apprenant cela, Kasuga demeura atterré. Son patriotisme aveugle, son ambition insensée avaient donc abouti à ce résultat effroyable, la perte de son pays. Mais un autre amour lui tenait au cœur. Ses ambitions anéanties, ses espoirs détruits, il restait ce souhait pour les réalisations duquel il avait tout risqué. Il releva donc la tête et demanda froidement « Le Japon n'existe plus, mais je survis. L'Amérique hérite de la totalité du monde océanique. Mais le traité qu'elle a signé contenait une clause me concernant. La respectera-t-elle ?»« L'Amérique paiera, » répondit avec un calme intangible un personnage glabre que ses vêtements civils, au milieu des uniformes, désignaient comme le représentant du pouvoir administratif. C'était le délégué du Conseil des Trusts, l'homme qui avait tout pouvoir pour faire de Kasuga l'époux de Susanna de Glandève. « Bien, » enregistra le japonais en inclinant la tête, « je n'attendais pas moins de la loyauté commerciale de votre pays. Vous êtes prêt à m'unir avec Mademoiselle de Glandève par un lien légal, quand vous le requerrez, que ce soit à l'instant même. All right. » Impassible, le délégué du Conseil des Trusts se tourna vers Susanna. « Miss, l'Amérique vous a promis à cet homme. Il faut vous résigner à devenir sa femme. » « Je serai sa prisonnière, mais jamais sa compagne, » protesta la fille du marquis Archibald en se redressant, frémissante d'indignation et de douleur. « Vous avez fait de moi le prix d'un marché, mais vous n'avez pas le pouvoir de m'y faire consentir. »« L'Amérique se déshonore !» cria à son tour Mrs. Sandy. « L'Amérique agit loyalement en payant un créancier, » riposta le délégué d'un air rogue. « Elle sacrifie une malheureuse enfant. » « Elle fait appel à son patriotisme, Mrs. Sandy. Que Mademoiselle de Glandève se dévoue. »« On n'accepte point un dévouement imposé. » La nation a quelquefois les droits d'un père et le devoir d'user de son autorité pour imposer sa volonté. Ce faisant, elle ne croit point travailler au malheur de cette jeune fille, car l'époux qu'elle lui destine sera grand dans le monde et le premier entre tous les citoyens. « Il sera toujours à nos yeux le dernier des misérables, » riposta Mrs. Sandy, avec une fougue que n'eût point désavoué Jim. Nous suivons d'antiques exemples, plaida le délégué. Pour le salut d'Athènes, chaque année le roi Égée livrait au Minotaure les vierges que désignait le sort. Mais Thésée, indigné, tua le monstre. Prenez garde de faire surgir une Thésée, clama la marquise. Le roi Agamemnon consentit à sacrifier sa propre fille. Mais ce sacrifice révolta une déesse. Et Diane enleva la malheureuse Iphigénie dont elle fit sa prêtresse. « Que les dieux interviennent donc !» ricana Kasuga, et qu'il m'arrache la proie que me livre la loi américaine. » Ce disant, il saisit par les poignets la pauvre Susanna, qui poussa un cri de douleur et de révolte. Impressionné par le désespoir des trois femmes, les officiers présents à cette scène faisaient de visibles efforts pour se contenir et garder l'attitude impassible que leur imposait la discipline. Plus froid, le délégué avait mandé un scribe et lui faisait rédiger l'acte qui allait consacrer cette odieuse union. « Au nom du gouvernement américain » commença-t-il au milieu d'un silence que troublaient seuls les sanglots des femmes, mais aussitôt il s'interrompit. Des cris s'entendaient non loin du navire, et les spectateurs les plus proches du bordage virent courir par bonds intenses une automobile trépidante sur laquelle cinq hommes gesticulaient comme des fous.